Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Merci Manu Farine et à la semaine prochaine. Il n'y a que des bonnes raisons de parler d'Isaac Asimov, comme par exemple le fait que 2020 soit, a priori, le centenaire de sa naissance, bien que sa date de naissance exacte soit inconnue, ou que son cycle fondateur de la science-fiction moderne, le justement nommé Fondation, vienne d'être adapté en série et soit bientôt diffusé. Mais ce n'est pas tout. De tous les auteurs de l'âge d'or de la SF, Asimov est certainement l'auteur le plus important, notamment du fait de sa volonté au fil de sa vie de relier tous ses écrits pour proposer une somme monumentale, une histoire du futur qui interprète et réoriente l'histoire du passé et de proposer une psychohistoire de notre humanité. Asimov, le petit père des robots, c'est le programme fondateur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de plonger dans cette œuvre monumentale, on fait le tour de l'actualité scientifique de la semaine dans une version light pour cause de coronavirus. C'est le journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, une étude parue dans la revue Science retrace l'histoire climatique de notre planète depuis le Crétacé tertiaire jusqu'à aujourd'hui. Et comprendre les dynamiques du climat au cours des différentes périodes géologiques, c'est aussi mieux comprendre l'actuelle crise climatique. Cette équipe internationale est remontée jusqu'à 66 millions d'années en arrière, soit jusqu'à la disparition des dinosaures. Pour cela, les chercheurs se sont appuyés sur des foraminifères benthiques fossilisés. Ces organismes marins utilisent le carbone et l'oxygène pour construire leurs coquilles. Leurs compositions isotopiques sont donc de bons marqueurs du climat passé. On les trouve dans les carottes sédimentaires réalisées dans les fonds océaniques. Les analyses de ces chercheurs montrent que le climat de la Terre peut être regroupé en différents états, séparés par des transitions liées à l'évolution des niveaux de gaz à effet de serre. Conclusion, en seulement 2 siècles, le réchauffement actuel constitue un écart jamais vu dans l'histoire récente de notre planète. Cette étude met aussi en évidence que le changement climatique est bien généré par les activités humaines. Au Groenland, le plus grand glacier de l'Arctique, le glacier 79N, s'est fracturé en un immense iceberg. Oui, c'est normal que des morceaux de glace se détachent d'un glacier, c'est ce qu'on appelle le velage, mais ils ne sont pas censés être aussi gros. On le voit sur les images satellites de l'Agence spatiale européenne, un bloc de 113 km² de glace s'est décroché du glacier. 113 km², c'est 2 fois une ville comme Manhattan. L'incident est directement lié au réchauffement climatique. Dans leur communiqué, les scientifiques danois rappellent que le glacier 79N a déjà perdu 160 km² en 20 ans et que le phénomène s'accélère ces dernières années. Les températures grimpent, il fait plus chaud de plus de 3 degrés et des records de chaleur ont été battus en 2019 et en 2020. Une étude parue dans The Astrophysical Journal remet en question l'origine de l'or dans notre univers. Oui, on pensait que l'or était le fruit de la collision entre 2 étoiles à neutrons. Pour cette équipe internationale, un autre processus stellaire pourrait en être tout à fait responsable. Selon leur nouvelle analyse de l'évolution des galaxies, il n'y a tout simplement pas assez de collisions d'étoiles à neutrons pour expliquer l'abondance des éléments lourds de notre univers. Selon eux, les modèles actuels ne peuvent pas expliquer la quantité d'or dans notre cosmos. Les chercheurs avancent une nouvelle hypothèse. Ces éléments lourds pourraient être produits par des supernovas magnéto-rotationnelles, ce qui se produit lors de l'effondrement d'une étoile massive à rotation rapide. Dans le journal des sciences de cette semaine, Natacha, il a été question de la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, des ours des cavernes momifiées dans le pergélisol, du risque de transmission du coronavirus que représentent les bars et les restaurants, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, et en ultra bref. Le mystère des mécanismes sexuels des plantes à fleurs vient d'être levé. Lorsqu'un grain de pollen, qui transporte les cellules sexuelles mâles, lorsque ce grain atterrit sur l'organe femelle d'une fleur, son pistil, cela donne naissance à un tube pollinique qui pousse à travers le pistil jusqu'aux ovules. Des analyses génétiques et chimiques ont montré qu'une enzyme, la catanine, oriente ces tubes polliniques dans la bonne trajectoire pour atteindre les ovules. Une équipe d'astronomes a montré que le changement climatique perturbait aussi les observations astronomiques. Les mesures enregistrées depuis 40 ans par le très puissant Very Large Telescope au Chili montrent que même en plein désert et en altitude, la limpidité du ciel est troublée. En 40 ans sur ce site, la température moyenne a augmenté de 1,5 degré et les différences de température entre le jour et la nuit créent des turbulences de l'air qui affectent le télescope. Le plus souvent, dans le règne animal, vieillir est synonyme de déclin des performances, mais pas pour toutes les espèces. Depuis bientôt 40 ans, des chercheurs observent des colonies de vipères dans le Mont Ventoux. La sénescence des serpents varie selon leur emplacement dans les montagnes. Sur l'un des versants, leur vieillissement est ralenti. Les femelles font même preuve d'une seconde jeunesse et sont plus fécondes. Peut-être suffit-il de changer d'habitat pour ne plus vieillir. Voilà pour le journal des sciences de la semaine. Mais avant d'évoquer l'œuvre d'Isaac Asimov en compagnie de nos invités, on passe au journal de la science-fiction. Et dans la recherche d'intelligence extraterrestre, Natacha, une équipe australienne a publié ses résultats, une étude parue dans Publications of the Astronomical Society of Australia. Et ces chercheurs ont utilisé le MWA, le grand radiotélescope australien. Ils ont analysé 6 exoplanètes et plus de 10 millions de systèmes stellaires dans la région de Vela de notre Voie lactée. Ils recherchaient des technosignatures, c'est-à-dire des indicateurs de civilisations extraterrestres avancées. Alors c'est l'enquête la plus profonde et la plus large à ce jour. Comme on ne sait pas vraiment quel type de technologie les aliens pourraient développer, on se base sur ce que l'on connaît, soit notre propre technologie et nos propres théories. Le MWA a donc cherché des signaux radio dans des fréquences similaires à la radio FM. Résultat, pas un seul murmure de technologie extraterrestre. Mais les chercheurs ne se découragent pas. Selon eux, cela prouve que les données des télescopes avec un grand champ de vision peuvent aussi aider la recherche d'une intelligence extraterrestre. Voilà, la NASA non plus ne se décourage pas, Natacha, puisqu'elle vient de concevoir une nouvelle carte à destination des extraterrestres pour trouver la Terre. Et le 3 mars 1972, la NASA a lancé Pioneer 10, une sonde spatiale qui a quitté notre système solaire avec à son bord une carte qui indique la trajectoire du vaisseau et donc de la route à suivre pour rejoindre notre planète. Elle indique la direction à la fois dans l'espace et dans le temps grâce à l'indication de pulsars qui servent un peu comme des phares. Mais d'ici des dizaines de millions d'années, cette carte sera obsolète. Une nouvelle carte plus précise a été pensée, mais cette fois-ci avec des pulsars à l'intérieur et à l'extérieur de notre galaxie, avec des durées de vie plus longues. La carte est prête, mais pour le moment, aucune sonde spatiale de type Voyager ou Pioneer ne sont prévues. Et enfin, coronavirus ou pas, et jusqu'à preuve du contraire, le lancement du Festival des Utopiales à Nantes aura bien lieu. Et il sera gratuit. Le Festival de science-fiction se déroulera du 29 octobre au 1er novembre, dans le quartier de la Cité, sur 3 sites différents pour éviter la concentration des foules. Cette année, scientifiques, écrivains, dessinateurs, chercheurs et réalisateurs sont attendus autour du thème « Trace » au pluriel. L'édition 2020 se concentre sur le livre, roman, bande dessinée, essai, les sciences et le cinéma. Mais pour des raisons sanitaires, les pôles ludiques et jeux vidéo ont été annulés. Les invités ont été dévoilés, Roland Lehoucq, Catherine Dufour, Xavier Méjean, Benoît Peters, c'est... Et toute l'équipe de la méthode scientifique, nous sommes voilà, partenaires du festival, on sera là, ainsi que d'autres émissions de France Culture, vous pourrez retrouver évidemment Étienne Klein, François Angelier et j'en passe, et puis avec plein de surprises à la clé, et peut-être même un petit livre spécial lié à la méthode scientifique, on vous en dira plus au moment des Utopiales. Et on termine, Natacha, comme chaque vendredi, par la rubrique d'improbabilologie, selon une étude parue dans la revue Endocrinologie, le gène qui régule le désir sexuel chez les hommes a été identifié. Oui, les chercheurs américains l'ont identifié sur des souris mâles. La clé de l'excitation sexuelle masculine résiderait dans la conversion dans le cerveau de la testostérone en œstrogène par une enzyme appelée aromatase. Le gène qui code pour l'aromatase est exprimé à la fois dans le cerveau et dans les testicules. Les chercheurs ont donc castré génétiquement des souris. Avec la technique des ciseaux génétiques, ils ont supprimé ce gène. Les souris ont ensuite été placées avec des femelles en ovulation, et les mâles, sans aromatase, n'ont pas cherché à s'accoupler. Cette découverte ouvre la porte à de nouveaux traitements pour les troubles de l'excitation sexuelle. L'aromatase, ce serait un peu comme dans la célèbre BD de Milo Manara, le déclic, mais version masculine. Vous m'en mettrez deux dans mon café. Allez, merci Natacha, à la semaine prochaine. Nous allons donc, au cours de cette heure, évoquer l'histoire, les travaux et l'œuvre titanesque et essentielle d'Isaac Asimov en compagnie d'Anne Besson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en littérature comparée à l'Université d'Artois, autrice d'Asimov à Tolkien, c'est aux éditions du CNRS. Et Anthony Valla, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de sociologie et de philosophie à l'École supérieure de santé de Lausanne et auteur de Utopie et raison dans le cycle de fondation d'Isaac Asimov, c'est aux éditions ActuSF. Et pour commencer, eh bien je vous propose d'écouter Isaac Asimov en 1974 à propos d'une forme de darwinisme technologique et du lien entre ordinateurs, robots et êtres humains. Supposons que les ordinateurs soient développés au point qu'un jour ils deviennent intelligents, peut-être plus intelligents que l'être humain. Un ordinateur vraiment intelligent, plus intelligent que l'être humain, est à mon avis supérieur à l'être humain et doit contrôler plus étroitement l'univers. Je ne vois là rien de criminel. Au cours des 3 milliards d'années, ou plus, qu'a duré l'évolution de la Terre, les organismes plus efficaces ont toujours remplacé les organismes moins adaptés. Nous ne nous indignons pas du fait que les mammifères ont hérité de la Terre à la mort des reptiles géants. Et nous tombons d'accord que le primate Homo sapiens est sans doute le plus prospère des mammifères. Alors, si nous l'admettons, il est juste que des espèces encore plus perfectionnées nous remplacent. Or, être plus perfectionné que l'homme, c'est être plus intelligent que lui. Ces espèces plus intelligentes auraient été créées par l'homme. Alors bravo, autant à notre crédit. Voilà, la voix d'Isaac Asimov en 1974. Darwinisme technologique, c'est une expression qui vous semble correspondre à peu près à l'ambition d'Isaac Asimov, ou en tout cas ce qu'on entend dire des robots et de l'ordinateur dans cet extrait, Anthony Valla. Oui, alors j'ai l'impression quand même que les trois lois qui ont été proposées par Asimov, quelque part, brident les robots et les empêchent justement de nous dominer et de devenir supérieurs à nous, et qu'il a prévu... quelque part ces trois lois pour justement empêcher les robots et les machines de devenir supérieurs à nous. Et d'ailleurs, de façon assez étrange, je crois qu'au Parlement européen, ils ont récemment voté pour que les futurs robots européens soient soumis aux trois lois. Je crois qu'il y a, quelque part cette votation qui a eu lieu. L'an dernier, absolument. L'an dernier, oui. Mmh. Et preuve qu'effectivement, l'humain se préoccupe de ça, d'éviter ce problème. Et que la science-fiction a débordé le champ du réel. Un mot, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Anne Besson? Oui, alors, optimisme scientifique qui se double d'une espèce de scepticisme vis-à-vis de l'humanité, ça me semble effectivement très propre à Asimov et assez particulier à sa pensée. On a toujours aujourd'hui du mal à entendre ce type de discours qui nous dit... un gouvernement par les machines serait un gouvernement bon. Alors effectivement, des machines qui seraient bridées, qui seraient soumises à des lois que nous aurions nous-mêmes édictées, mais pour Asimov, c'est fondamental, cette idée que le robot est bon. On a toujours tendance à penser des histoires de science-fiction ou qui sont des révoltes des robots. Chez Asimov, normalement, ça ne doit pas se produire. Surtout récemment, c'est vrai que relire Asimov aujourd'hui, moi ça m'est arrivé cet été, je me suis replongé dans Fondation cet été que j'avais pas lu depuis 20 ans. C'est incroyable de voir comme c'est une science-fiction très distincte et très différente que celle dont on est abreuvé depuis ces 15-20 dernières années. Une science-fiction très dystopique, très post-apocalyptique. Asimov, c'est une science-fiction utopiste et humaniste. Oui, tout à fait. Fondation nous raconte vraiment une nouvelle expansion humaine et l'ensemble de l'œuvre d'Asimov nous montre une série alors d'expansion et de régression de l'humanité puisque les empires sont faits pour chuter à leur tour. C'est vraiment la pensée historique que Asimov emprunte à Gibbons. Mmh. Alors, je pense vraiment que c'est ce thème de l'utopie qui fait que Fondation a aussi bien marché que ça et qu'il y a des millions de gens qui ont acheté ce texte. C'est parce qu'Asimov propose une possibilité que l'utopie se réalise. qu'il est possible qu'un jour ça puisse se réaliser, et il propose un certain nombre de conditions pour que ça puisse arriver. Il va successivement proposer une possibilité d'utopie, puis il y aura des retournements de situation, des coups de théâtre, conceptuels, en tout cas. Et ensuite, il y a une deuxième possibilité. Voilà. Il y aura une série comme ça de possibilités d'utopie qui sont proposées les unes après les autres. Et à un moment donné, ça passe aussi par les robots, en fait, qui interviennent dans la possibilité de l'utopie. Et on va voir hein, de comment, d'ailleurs, tout au long de sa carrière, Asimov va faire ce travail un peu fou de mettre en relation et de tirer un fil conducteur entre des récits et des imaginaires qui, a priori, n'avaient pas de lien. Ça, c'est d'ailleurs l'un des points centraux de son œuvre. Mais peut-être qu'on peut revenir à l'origine, à qui était Isaac Asimov, originellement Osimov, né en Russie, à Petrovitchy, a priori le 2 janvier 1920. Mais c'est pas sûr, on n'est pas sûr de sa date de naissance, Anne Besson. Oui, en effet, on ne connaît le début de sa vie qu'à partir du moment où sa famille émigre aux États-Unis. Lui-même hein, n'avait pas accès aux archives hein, de sa propre naissance. Un mot peut-être justement sur son émigration, son milieu familial, sur son arrivée, son installation à Brooklyn, Anthony Valla. Je crois que son père avait un petit commerce et que lui en fait a passé son adolescence à devoir s'occuper du commerce après l'école et vendre justement des pulps et des cigarettes aux clients du commerce et que du coup il a pas eu vraiment de vie sociale avant l'âge de je crois 18-19 ans, quelque chose comme ça, parce que il devait faire justement ça, voilà, enfin c'était un petit peu le point de départ, et qu'il avait le temps de lire les pulps et justement et de se destiner à écrire pour ces magazines. Il change son nom de Osimov, O-Z-I-M-O-V, enfin en tout cas en écriture occidentale, évidemment pas cyrillique, pour Asimov. Il écrit même un récit en 1958 qui s'intitule Spell My Name with a S. Pourquoi ce changement de nom? On a une idée, Anne Besson? C'est pour être plus américain. Isaac Asimov devient un auteur américain. Et en fait, en russe, il se trouve que quand le O n'est pas accentué, il se prononce A. Donc c'est voilà, vraiment juste une transcription en fait, à l'occidental de son nom russe. Première formation initiale d'Isaac Asimov. Isaac Asimov est scientifique. Il se destine à une carrière universitaire scientifique. Il se destine à ça. À un moment donné, il est même tenté par aller faire par faire la médecine. Mais il a été refusé, je crois, 3 ou 4 fois par différentes universités. Et finalement, il deviendra professeur de chimie dans, alors, je ne sais plus quelle université exactement. À Columbia, il a un doctorat de biochimie en 48 à Columbia. Donc ça veut dire un appétit pour les sciences. Ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent, quand on voit des auteurs de science-fiction qui ont un cursus scientifique, on en trouve des traces dans la littérature. Or, assez paradoxalement, la littérature d'Isaac Asimov n'est pas une littérature scientiste. C'est pas une littérature, sans faire de rapprochement, on va pas dire de hard science, ce serait anachronique, mais en tout cas, c'est une littérature très peu scientifique, en fin de compte. Anthony Valla. Oui, c'est juste. Alors, on pourrait dire qu'il s'est intéressé à des sciences qu'il n'a pas forcément lui enseigné. C'est-à-dire que pour moi, Fondation, c'est vraiment un texte qui est sur la sociologie poussée à l'extrême, ou sur sur la psychologie, enfin peut-être moins, mais en tout cas vraiment, pour moi, Fondation développe beaucoup la sociologie et l'histoire aussi comme science. Donc en fait, les deux sciences qu'il a développées vont être des sciences qu'il n'a pas enseignées ni étudiées spécifiquement à l'université. Donc c'est peut-être ça ce paradoxe. Anne Besson ? Oui, tout à fait. Il crée des mots qui s'appellent psychohistoire ou encore positronique, hein, le cerveau positronique, les robots positroniques. Mais en fait, derrière ce mot qui sonne scientifique, il n'y a pas véritablement de construction de quelque chose qui serait vraisemblable du point de vue des connaissances de son époque. Ce sont vraiment des bases conceptuelles qui lui servent à construire des histoires. Et on va revenir sur la psychohistoire. Peut-être un mot sur les débuts d'Isaac Asimov et son lien avec John Campbell et Astounding Stories dans la revue dans laquelle il va publier ses premiers récits, Anthony Valla. Alors, effectivement, c'est Campbell qui met un peu le pied à l'étrier, en tout cas qui publie ses premières nouvelles et qui l'amène à un niveau de popularité équivalent à Heinlein et à d'autres auteurs de l'époque. Campbell aussi insiste pour faire passer certains de ses thèmes dans les textes d'Asimov, et Asimov essaye de faire une résistance plus ou moins passive, on va dire. Par exemple, Campbell avait envie que les extraterrestres soient systématiquement inférieurs aux humains, et du coup, Asimov n'a pas mis d'extraterrestres dans Fondation pour éviter d'avoir ce problème avec Campbell. Et à un moment donné, quand Campbell commençait de s'intéresser aux parasciences, comme la dianétique et autres, Asimov a pris des distances par rapport à Campbell, aussi à ce moment-là. Vous pouvez nous redire en deux mots qui était John Campbell, et ce que c'est que Astounding Stories, l'important peut-être d'Astounding Stories dans les années 40-50 aux États-Unis. Alors, c'était la revue phare, en fait, au niveau de la science-fiction, dans laquelle, justement, les meilleurs auteurs publiaient, et Campbell était une sorte, effectivement, de parrain de la science-fiction de l'époque, ou de mandarin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est effectivement lui qui pouvait faire et défaire les auteurs, oui. les auteurs, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, Anne Besson, Asimov se lance dans des formes courtes. C'est-à-dire qu'au lieu de partir... Aujourd'hui, on a l'image d'Asimov comme d'un auteur prolifique, de cycles immenses, mais en fait, les premiers récits, et même plus tard, Asimov produit essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui de la novella, c'est-à-dire des longues nouvelles ou des courts romans. Alors, des courtes nouvelles et des nouvelles, des short stories et des novellas. Mais ce sont vraiment les formats de l'époque, en fait, hein, quand il commence à écrire Asimov dans les années 40. Donc, très jeune, puisqu'il est né en 1920. Ses premières nouvelles paraissent, il a quoi, 17 ans, 17, 18 ans. Anthony le saura mieux que moi. Et c'est d'abord un lecteur, c'est d'abord un fan. Il a lu Astounding, il a adoré, il a idolâtré John Campbell et son travail auprès des auteurs antérieurs. Et donc, quand il se lance dans cette carrière, tout le monde demande des nouvelles. Et lui est effectivement un très grand auteur de nouvelles, on l'oublie trop souvent, avec un sens de la chute, du rythme, de la coupe, du suspense, vraiment extraordinaire. Il s'est développé une idée et l'a poussée à son terme, avec cette maîtrise conceptuelle du bon auteur de science-fiction, en une dizaine de pages. Hein. C'est un de ses talents. Et d'ailleurs, il théorisera, il parlera à un moment donné justement de son goût pour ses fins, qui ne se terminent pas tout à fait, ces fins ouvertes dans lesquelles, et d'ailleurs qui vont servir petit à petit à raccrocher ces récits les uns avec les autres. Tout à fait, il est malin Asimov, et d'ailleurs il le sait, hein, il n'hésite pas à se présenter en tant que tel dans les nombreux commentaires qu'il a fait sur sa propre carrière. Il y a ce recueil de nouvelles qui s'appelle Période d'essai, où il commente tout son rapport avec John Campbell en début de sa carrière, et il explique comment c'est stratégique. C'est-à-dire qu'il a envie d'accrocher ses lecteurs, et il a envie de forcer ses éditeurs à lui acheter ses nouvelles suivantes, et donc il développe vraiment ses stratégies rhétoriques qui consistent à donner envie de lire la suite. Anthony Vallat, sur cette forme. Alors d'abord, même Fondation lui-même est un, et au fond les trois volumes de Fondation sont des recueils de nouvelles. C'est-à-dire au départ ça a été prévu comme des nouvelles qui se suivent et qui se relient entre elles. Donc il y a déjà cette construction-là aussi. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'il écrive des longs romans. Et d'ailleurs, je crois que le marché de l'époque n'était pas au roman de science-fiction. C'était vraiment à la revue qui publiait des textes, des novellas et des short stories, en fait. Il y avait ça. J'ai retrouvé, c'est à 18 ans qu'il a publié sa première nouvelle, en fait, dans Amazing Stories. Et alors, quelle était cette première nouvelle? Ses tout premiers écrits, c'est quoi? Oh, alors, j'ai plus le titre en tête. Peu importe, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut dire un mot du début de Fondation, parce que, pareil, vous le disiez, Anne Besson, hein, 1941, soit à 21 ans, Asimov dit avoir la première idée du cycle de Fondation, et a priori, un cycle qui est fondé sur l'histoire déjà, hein, dès le départ, c'est-à-dire l'idée de répliquer la chute d'un empire et la chute de l'empire romain. Oui, effectivement, il va... alors le fix-up, hein, puisque ces recueils qui sont formés à partir de nouvelles, on appelle ça comme ça, le premier volume va paraître en 1951. Et donc, pendant les années 40, Asimov développe en parallèle ces deux grandes séries que sont Les Robots d'une part et Fondation de l'autre. Et la source de Fondation, donc, c'est vraiment... Asimov dit qu'il va justement, qu'il a l'envie de montrer un empire qui s'effondre et qui se reconstruit, c'est-à-dire vraiment cette succès de décadence et de renaissance qui est très liée à l'histoire humaine. Tout à fait, c'est donc l'œuvre de Edward Gibbons, qui est un historien qui est fondamental pour les anglo-saxons, qui raconte à partir de l'Empire romain, qui théorise hein, cette évolution globale des civilisations comme une série d'expansion et de déclin. Il dira même que d'ailleurs quand Trantor, donc qui est cette planète ville, qu'il imagine Trantor après les effondrement avec la nature qui a repoussé et des moutons qui pèsent dans les ruines, à l'image de l'image qu'il se faisait de Rome après la chute de Rome. Oui, c'est ça. Il y avait cette image-là qu'il avait en tête. Il y a aussi l'idée qu'effectivement, il ne faut pas laisser les empires s'effondrer comme ça, sans réagir, et que lui, justement, propose, au fond, une solution pour empêcher cette espèce de chaos comme ça dans la progression humaine. Il y a une citation où il dit qu'il ne faudrait pas laisser les sociétés humaines comme ça livrées au hasard et aux circonstances dans leur évolution, et qu'il faudrait trouver une façon de contrôler beaucoup mieux le destin de l'humanité et de beaucoup mieux contrôler comme ça où iraient les sociétés pour éviter justement ça. Ce qui sont les prémices de ce que va être la psychohistoire. Voilà, absolument, oui. Anne Besson. Tout à fait. Harry Seldon, le fondateur de la psychohistoire, c'est une science prévisionnelle, statistique, qui doit permettre d'annoncer et de contrôler le futur de l'humanité en évitant les pires conséquences de la chute de l'Empire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la psychohistoire? C'est intéressant parce que la psychohistoire, on le lit à Asimov, alors qu'en fait, c'est un concept qu'il réutilise d'un auteur qui s'appelle Nat Schachner, non? J'ai lu dans sa biographie qu'il regrettait finalement d'avoir utilisé le mot psychohistoire, mais qu'il aurait préféré utiliser psychosociologie. D'accord. À un moment donné, et qu'il avait très conscience qu'en fait, il utilisait les concepts de sociologie. C'est-à-dire que c'est de la macro-sociologie même. Alors en quoi ça consiste la psychohistoire exactement? Alors la psychohistoire, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire des statistiques à grande échelle, de trouver d'abord des sortes de lois sur le fonctionnement des sociétés, une espèce de projet comme ça au départ, d'avoir des statistiques à grande échelle pour pouvoir prédire ce qui va se passer par rapport à ces lois, et ensuite de pouvoir réfléchir à comment intervenir pour que cette évolution ne se passe pas. Et il y a une autre condition, c'est qu'il s'agit que la société ne connaisse pas ces lois ni la psychohistoire pour que ça fonctionne. Sinon, on va tomber dans le problème de de la prophétie réalisatrice. Mmh. Et du coup, ça annihilerait la puissance de la psychohistoire. Donc, ça ressemble à une espèce de sociologie idéale, quelque part, qui serait réservée à une sorte d'élite qui l'utiliserait. Et qui du coup, influencerait le destin des civilisations à grande échelle. Anne Besson, sur la psychohistoire? Eh bien, oui, c'est le but, hein, sauf que on voit la psychohistoire échouer extrêmement rapidement. Donc, c'est le côté déceptif des sciences d'Asimov, qui est à la fois très optimiste et qui, en même temps, effectivement, ne cesse de montrer les limites de l'utopie, les limites du prophétisme, les limites de la science. Et donc, Harry Seldon, qui est le fondateur de la psychohistoire, qui disparaît dès le premier chapitre de Fondation, réapparaît ensuite sous forme d'hologramme. Et très vite, l'hologramme va apparaître et donner des prédictions qui sont fausses, qui ne correspondent plus à l'état de la société, parce qu'il y a forcément des variables qui interviennent et qu'ils n'avaient pas pu prévoir. Peut-être qu'il faut, alors je vais vous demander de vous livrer un exercice un peu difficile, mais pour nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance de lire Fondation, de se plonger dans Fondation, comment est-ce qu'on pourrait résumer Fondation? Parce que, comme on l'a dit, c'est une succession de récits relativement courts qui se passent à des époques très différentes, sur une échelle temporelle très vaste. Comment est-ce qu'on pourrait résumer Fondation, Anthony Vallée? Alors, dès la première page, on nous annonce, en fait, c'est étonnant, il y a des extraits de l'Encyclopédia Galactica, comme ça, qui sont publiés, et on sait que l'utopie va réussir. C'est-à-dire qu'il y a l'Empire qui va s'effondrer, et Harry Seldon fait un plan pour que, au fond, l'effondrement ne dure que 1000 ans, au lieu de 30 000 ans qui se produirait s'il se passait rien. Et on nous annonce que ça va marcher. C'est-à-dire que le lecteur, dès la première page, sait que ça va marcher, et qu'il y a une utopie sera installée 1000 ans plus tard. Mmh. Et voilà, et on va assister, en fait, à tous les 50 ans ou tous les 100 ans, aux différentes étapes de la mise en place de cette fameuse utopie. Mmh. Et voilà, et donc ça, c'est le ressort narratif, si on veut, du départ. Et pour mettre en place cette utopie, pour permettre justement à l'Empire de se régénérer plus rapidement, il y a donc la création de cette fondation. Oui, une fondation au départ, une fondation d'érudits dont le but est donc de rédiger la fameuse Encyclopédia Galactica dont nous lisons des extraits tout au long des romans. Mais très vite, on sait aussi qu'il y a une deuxième fondation, une fondation cachée à l'autre extrémité de la galaxie. Et qui, elle, a pour vocation de surveiller en sous-main l'établissement de cette première fondation. C'est une sorte de poupée russe, en fait. Ben, en fait, c'est ces fameux sociologues cachés, au fond, qui sont censés voir quand le modèle ne fonctionne pas et de rectifier, au fond, systématiquement pour que le plan Seldon suive sa marche prévue, en fait. Donc c'est ça, c'est les limites de la science, là, sont contrebalancées par des gens qui opère justement en cachette pour ramener l'humanité sur les rails prévus. Ça. Ça pourrait être le rêve de notre camarade Guillaume Erner, une société secrète de sociologues érudits qui préside au destin de l'humanité. Et ce qui est intéressant, Anthony Valla, c'est que évidemment, on l'a dit, Asimov écrit Fondation dans les années 40, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y a évidemment une lecture, un rapport à l'histoire, à la réécriture de l'histoire, le fait de vouloir éviter les erreurs de l'histoire qui est très lié à eh bien, la nationalité d'Asimov et au contexte historique. Oui, il y a ça. Et il y a aussi, à un moment donné, il n'a pas été conscrit, en fait, il n'a pas été embauché dans l'armée américaine à ce moment-là. Et c'est peut-être aussi une façon pour lui de tout de même participer à l'effort de l'humanité, de redressement de l'humanité, que de proposer ce récit comme source d'espoir, au fond, hein, puisque c'est pratiquement tous les... Une bonne partie des textes, en tout cas du premier volume, sont écrits jusqu'en 44. Donc, les nouvelles suivantes jusqu'en 45, en fait, hein, les premières nouvelles de Fondation. Donc, il y a évidemment un rapport avec ça. Oui. Anne Besson, sur le lien avec la Seconde Guerre mondiale et avec, évidemment, le communisme et le nazisme, deux totalitarismes desquels Asimov et la famille d'Asimov se sont enfuis. Tout à fait. Asimov est un des auteurs qui me semble, de ce point de vue politique, les plus importants et les plus novateurs. Et ça fait partie des choses qui permettent sa pérennité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'alors que beaucoup d'auteurs de l'âge d'or se sont... évidemment engagé, mais engagé d'une manière très ferme qui allait dans le sens de l'impérialisme américain. Asimov, lui, s'est toujours méfié de toute forme de totalitarisme et a toujours prôné une tolérance, une ouverture à l'autre, qui effectivement venait de ses origines juives, russes, et de sa volonté donc de s'opposer au nazisme, mais aussi à toutes les formes d'opposition trop extrêmes aux opposants internes. Et donc il y a Fondation et en parallèle. A priori, au début, sans lien, Asimov travaille sur ce qui va être son autre grand cycle, le cycle des robots, Anne Besson. Oui, donc il commence également dans les années 40, au tout début des années 40, avec la nouvelle qui s'appelle Robby, où le premier robot est une garde d'enfants, hein, une bonne d'enfants adorable. Et donc il développe ces deux séries de nouvelles en parallèle, selon des principes légèrement différents, avec des nouvelles beaucoup plus autonomes dans le cas des robots, et puis donc une série qui est d'emblée pensée comme à suivre dans le cas de Fondation. Et pas du tout dans la même temporalité, puisque les robots commencent dans les années 90, donc quasiment autant présent par rapport à Fondation qui se passe beaucoup, beaucoup plus loin dans le futur. Non, les nouvelles des robots se déroulent dans les 100 prochaines années, hein, pas plus loin, voire peut-être même moins que les 100 prochaines années. Ce qui amuse beaucoup Asimov, c'est de mettre en place ce carcan des trois lois et de voir comment ce carcan échoue face au réel, en fait, de la société, quoi. Alors, est-ce qu'on se souvient des trois lois exactement? Oui, alors je peux vous les... Moi aussi, je les ai. Attendez, il faut que je les retrouve, mais... Alors, peut-être qu'elles sont... ça y est, je les ai retrouvées. Alors, allez-y. Alors, la première loi, donc, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Voilà, donc ça c'est la première loi, donc il doit porter secours aux humains. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première loi ou la deuxième loi. Alors, la loi zéro, on parlera... On va en parler dans un instant de la loi zéro, parce que, alors, je vais... Les fans d'Asimov et les fans du cycle des robots vont hurler... tout l'air de leurs poumons, mais Asimov a été adapté, mal adapté, notamment dans un film qui s'appelle iRobot. Vicky. Bonjour, inspecteur. Non, c'est impossible. J'étais là quand on t'a programmé. Tu es en train d'enfreindre les trois lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des trois lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Non, essayez de comprendre. Les trois lois sont mon unique référence. Pour protéger l'humanité, certains humains doivent être sacrifiés. Pour protéger votre avenir, il faut renoncer à certaines libertés. C'est nous, robots, qui assurons la pérennité de l'humanité. Vous n'êtes que des enfants. Nous devons vous sauver de vous-même. Ne comprenez-vous pas? Et c'est pour cela que vous nous avez créés. Ainsi, le cercle parfait de la protection parfaite est respecté. Ma logique est indiscutable. Oui, Vicky. Indiscutable. Je comprends maintenant. La créature doit quelquefois protéger son créateur, même contre sa volonté. Je crois que je comprends enfin pourquoi le docteur Lanning m'a créé. Non. Le règne suicidaire de l'humanité arrive finalement à son terme. Non, Sonny. Voilà, iRobot d'Alex Proyas, où on entend les robots qui deviennent méchants, qui se retournent contre l'humanité. On est très très loin, finalement, de l'esprit d'Asimov dans cette adaptation, Anthony. Ah oui, complètement. Oui, les robots ne peuvent pas vouloir effectivement se révolter contre l'humanité et autres. C'est d'ailleurs dans deux gros romans qui s'appellent Robots de l'aube et les robots et l'Empire, où deux robots discutent justement du problème de sauver l'humanité et autres, mais sont bloqués par le carcan des trois lois et doivent trouver un compromis ou quelque chose pour pouvoir fabriquer une nouvelle, enfin, bon, la fameuse loi zéro, je sais pas si on en parle maintenant. Mais si, on peut parler de la loi zéro. Alors, on peut parler de la loi zéro, en fait, où, c'est là où Asimov va connecter son cycle des robots avec le cycle de fondation, mm-hmm. où la loi zéro permet l'utopie. C'est grâce à la loi zéro que les robots arrivent à instaurer une espèce d'utopie globale pour l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi zéro, exactement? Alors, cette loi zéro, genre, je vous la lis. Un robot ne peut porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Et cette loi zéro vient devant la première loi, la deuxième et la troisième. Qui interdit les robots de faire du mal à l'être humain. Et donc, en fait, il peut y avoir une loi supérieure et où les robots peuvent s'ériger comme modèle pour gérer l'humanité, pour éviter à l'humanité de la laisser perdre. Voilà. Et en fait, cette loi ne vient que parce que, en fait, un robot dans un des romans, normalement, les robots doivent s'occuper des humains qui sont autour d'eux, sur lesquels ils ont un rayon d'action. C'est-à-dire les trois ou quatre personnes qui sont dans les 10 mètres autour d'eux, en gros. Sauf qu'il y a un des robots dans un roman qui devient télépathe et qui se met à entendre les pensées des humains et il peut aussi agir sur les pensées des humains. Et donc, tout à coup, il doit s'occuper de toute l'humanité, ce robot-là, puisqu'il a la possibilité de le faire, il est obligé de le faire, à cause de la première loi. Et du coup, il est bloqué, il ne sait pas comment faire, ils sont deux, et grâce à un dialogue avec Daniil, en fait, qu'on retrouvera plusieurs fois dans le cycle des robots, qui est l'assistant d'Elijah Ballet dans les fameux récits policiers, ils arrivent à mettre au point cette loi zéro qui leur permet de continuer d'obéir aux trois lois, mais tout en... respectant cette loi supérieure, en fait. Respectant cette loi supérieure, qui leur donne une marge de manœuvre. Voilà. Et en fait, au fond, on passe dans... Le robot, si vous voulez, il crée une sorte de bulle autour des humains dont il s'occupe, qu'on peut appeler une utopie locale, comme ça. Il doit faire le bonheur, en gros, des deux, trois humains qui sont à sa portée. Mais une fois que le robot, comment dire, son rayon d'action englobe toute l'humanité, ils se sont obligés de mettre toute l'humanité dans une utopie qui, du coup, serait globale, vous voyez. Oui, c'est intéressant parce que, du coup, les robots deviennent, d'une certaine manière, les effectuateurs de l'utopie humaine. Voilà, c'est ça. Les agents. Voilà, mais ils peuvent pas être tout seuls. C'est-à-dire, ils ont quand même besoin d'un humain, comme on verra dans le cycle de fondation. Mais enfin, moi, je veux rien spoiler. Attention. Donc, mais voilà. Donc, il y a un moment donné, l'humain va quand même faire son retour. Le robot d'Asimov, Anne Besson, machine à imposer l'utopie. C'est assez passionnant comme programme. Très, très loin du film de Proyas, mais c'est tout de même un programme passionnant dans cette. Alors, ce qu'on a entendu du film de Proyas, c'est étonnant parce qu'à la fois, le discours qui est tenu est conforme à ce qu'a écrit Asimov. C'est-à-dire, oui, les machines doivent contrôler l'humanité pour le bien de l'humanité et ce gouvernement par les robots aux côtés des hommes sera positif. Et en même temps, l'angle de vue, les valeurs associées à ce discours sont complètement inversées. C'est-à-dire que dans le film de Proyas, on nous présente ça comme terrifiant, comme une forme de contrôle de nos libertés, alors que pour Asimov, et effectivement c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on n'est pas habitué à ce discours-là, pour Asimov c'est vrai. À la fin des robots, la dernière nouvelle des robots nous présente un gouvernement par les machines qui sont des espèces de super ordinateurs qui assurent la survie et le bonheur de l'humanité par des calculs très complexes qui permettent de gérer une surpopulation de plus en plus inquiétante de la planète Terre, puisqu'on est encore à ce niveau local dans les robots. Ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a, on l'a dit, fondation d'un côté, les robots de l'autre. On va parler essentiellement de ces deux cycles, parce que sinon, on n'aura pas assez d'une heure pour parler de tout le reste, parce que je rappelle que, je ne sais pas combien de 500, plus de 500 textes il a écrit à Asimov, enfin, c'est foisonnant, bon bref. Et dès la fin des années 50, il commence à se dire, mais en fait, je dois boucler ces univers. C'est-à-dire que ces univers doivent être contigus, il doit y avoir finalement un tout, je dois unifier ces deux univers. Alors, il fait une pause pendant 20 ans à peu près dans l'écriture de la science-fiction et il revient parce que vraiment, on exige de lui un quatrième volume de Fondation qui va s'appeler Fondation vous foudroyer. Il relit ses textes, enfin il raconte ça dans sa biographie où il relit les anciennes fondations, il retrouve des notes qu'il a prises et finalement il prend 2 ans pour écrire ce roman, ce qui pour lui est gigantesque de prendre Normalement, il écrit en un mois, mais là, il prend 2 ans pour écrire ce roman. Il s'attend pas du tout au succès que ça va produire. C'est-à-dire qu'il va être dans les best-sellers du New York Times pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec ce roman. Et donc, ça fonctionne. Mais il est pas satisfait parce qu'il y a des choses qui manquent à la fin du roman. Il y a un coup de théâtre que je vais pas révéler. Surtout pas. Je révèle rien, mais il découvre qu'il a besoin de, voilà, de réunir les univers. Voilà. Et c'est très compliqué d'en parler sans raconter, mais voilà. Et c'est là où il va écrire Les Robots et l'Empire et les robots de l'aube, et c'est là que la loi zéro va apparaître. Va arriver. Mais a priori, enfin, en tout cas dans ce que j'ai lu, et je crois que c'est lui-même qui le dit dans I, Asimov, qui est sa biographie, il dit qu'il a l'idée de rejoindre les univers dès la fin des années 50, Anne Besson. Alors, en même temps, peut-être l'a-t-il, mais c'est le moment où il arrête d'écrire de la science-fiction. Donc, pourquoi, voilà, il... Alors, parce que il y a Spoutnik, lancement de Spoutnik 57. En 57, et ça lui donne envie de se consacrer à la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'il a l'impression vraiment que c'est un événement bouleversant pour le futur de l'humanité et que il doit se consacrer à faire mieux connaître les possibilités scientifiques aux Américains. Et donc, voilà, son nouvel objectif est de porter ce programme spatial, ce futur humain, d'un point de vue, donc, à ce moment-là, de vulgarisation scientifique. Et c'est un très grand vulgarisateur qui va écrire des dizaines et des dizaines d'ouvrages extrêmement variés, voilà, sur des sciences que lui-même n'a pas du tout étudiées a priori, mais qu'il réussit, avec son style enlevé, à communiquer à tous les publics. Donc il arrête comme ça jusqu'à la fin des années 70, comme Anthony le disait, donc près de 20 ans. Et entre-temps, il devient un auteur de SF encore plus connu qu'il ne l'était, parce que son importance est progressivement de mieux en mieux reconnue, et notamment le cycle de fondation est élu meilleure série de tous les temps à la Convention mondiale de Chicago en 1968. Alors, le prix Hugo de meilleure série de tous les temps qui n'a été décerné, je crois, qu'une seule fois. Oui, je crois. Ce qui est assez logique, somme toute, parce que s'il y en a une, difficile qu'il y en ait deux. Mais Anthony Vallin, un mot peut-être sur cette pause et sur cette partie de sa carrière où Asimov va se consacrer à la vulgarisation scientifique. Alors, je crois qu'il a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire la vulgarisation scientifique. Une de ses qualités à lui, c'est l'enthousiasme chez Asimov. Et faire partager, en fait, les découvertes de la science, les nouveaux paradigmes qui arrivent, les nouvelles découvertes, avec un public qui peut suivre. Il y a les fameux effets waouh, quand on présente des découvertes scientifiques ou ces choses-là, pouvaient nourrir suffisamment, disons, son envie, voilà, de publier et de partager, en fait, avec du public. Il faut peut-être qu'il avait moins d'histoires à raconter en science-fiction, ou que le genre de la science-fiction de l'époque lui convenait moins, les recherches sur le langage ou d'autres... une autre science-fiction qui venait d'Angleterre ou autre, qui était très différente, et il se reconnaissait peut-être beaucoup moins dans celle-là. Et voilà. Et donc il préférait effectivement faire des conférences et de la vulgarisation scientifique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons d'Isaac Asimov, de l'œuvre pléthorique d'Isaac Asimov, tout au long de cette heure, en compagnie d'Anne Besson, professeure en littérature comparée à l'Université d'Artois, et d'Anthony Valla, qui est enseignant de sociologie et de philosophie à l'École supérieure de santé de Lausanne. On arrive donc dans cette dernière partie de la carrière d'Asimov, les années 80-90, où aussi, ce qui est intéressant, et ce que l'histoire de la littérature a moins retenu, Asimov va aussi écrire des romans policiers, Anthony Valla. Alors, c'est un très bon écrivain policier. Il a fait beaucoup de nouvelles policières. C'est des textes assez courts où au fond il respecte exactement les contrats du récit policier. C'est-à-dire, il donne tous les éléments au lecteur pour que le lecteur puisse découvrir le coupable avant la révélation. Du whodunit à l'Agatha Christie, quoi. Voilà, c'est vraiment le schéma classique. Et d'ailleurs, les romans de science-fiction policiers qu'il a écrits correspondent aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les indices, on devrait pouvoir y arriver comme ça. Donc il a des 5-6 recueils sur le club des veufs noirs, notamment, qu'il va rédiger. Donc il aime rouler dans la farine son lecteur. Voilà. ce qui est assez juste pour l'ensemble, y compris pour la science-fiction. Absolument. Hein. Un mot, Anne Besson, sur ce... Oui, tout à fait. C'est un auteur de romans policiers de science-fiction. C'est-à-dire qu'il traite vraiment la science souvent comme une énigme. C'est-à-dire qu'il pose un certain nombre de lois. Il montre une situation où ces lois semblent être contredites. Et voilà le mystère. Et il va s'agir dans le temps de la nouvelle ou du roman pour les trois romans policiers consacrés à Daniel Olivo et Elijah Baillet, de résoudre ce mystère avec donc des clés qui sont scientifiques. Comment est-ce que vous qualifieriez son œuvre de science-fiction, sa reprise des années 80 par rapport à celle des années 40-50? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une science-fiction où l'utopie a pris un peu des coups? Non, Anthony Valla, c'est peut-être un peu plus noir. Est-ce que c'est vraiment le cas? Elle est plus compliquée à mettre en place, l'utopie. Il s'aperçoit c'est qu'il y a plus des... difficile. C'est plus difficile, notamment... Ce qui est exposé, c'est que les humains sont pas prêts à être dirigés par les robots ou par... Ils veulent penser que c'est eux-mêmes qui les dirigent. Donc ils n'aiment ni une société secrète qui les dirigerait en cachette, ni des robots qui les dirigeraient officiellement. Donc pour pouvoir amener l'humanité à l'utopie, hélas, la démocratie ne fonctionne pas pour Asimov et il faut que des gens tirent les ficelles en cachette, en fait, pour que ça puisse fonctionner. Ce qui est assez pessimiste, finalement. Voilà. Oui, un peu plus. C'est un peu finalement l'utopie asimovienne revue au prisme de 30 ans de guerre froide, d'escalade nucléaire. On sent là aussi quand même qu'il y a un sous-texte historique qui fait écho, même de façon lointaine, dans ces œuvres des années 80, Anne Besson. Oui, alors ça se complexifie narrativement aussi, parce que en fait, tout simplement, il est obligé de, il essaie de tisser ces fameux liens sur lesquels on reviendra entre les pans de son œuvre, et du coup, ça l'oblige à une gymnastique de relance permanente de son intrigue pour que voilà tout finisse par coller. D'un point de vue de l'écho de l'histoire et de l'idéologie, on peut penser par exemple, il y a l'hypothèse Gaïa qui fait cette une entrée absolument étonnante dans son œuvre. Alors que c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir et qu'il a pour le coup voilà est vraiment un produit de son époque, un produit de la pensée. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse Gaïa en deux mots? C'est une manière de concevoir la Terre comme un organisme unique entre lesquels tout communiquerait, donc les humains avec la faune, la flore, la géologie. Et Asimov va créer une planète qui s'appelle Gaïa et un peuple qui s'appelle les Gaïens qui réalise cette hypothèse. Là, alors ça n'est pas la Terre, hein, c'est Gaïa, mais c'est cet organisme unique qui s'appelle Genou Gaïa. Pour préciser, ce qui est intéressant, c'est que Gaïa permet de se passer de psychohistoire. Gaïa, c'est une sorte de démocratie directe absolue, au fond. C'est-à-dire que tous les humains sont télépathes et arrivent à s'entendre, à se connecter les uns aux autres. Et donc, on n'a plus besoin de langage, au fond, comme médiation, et on n'a plus besoin d'une science pour comprendre comment les gens fonctionnent. Donc, on a une espèce de voilà, démocratie directe absolue, et qui, du coup, est une forme d'utopie qu'on peut estimer effrayante ou pas, mais Je vous propose de réécouter un extrait d'Isaac Asimov justement à propos, vous allez voir des choix dans lesquels il enferme ses civilisations et du coup évidemment l'humanité. Dans mon livre La fin de l'éternité, je présente ce choix entre contrôle et sécurité, ou bien liberté et danger. Dans Les robots, je choisis contrôle et sécurité. Dans La fin de l'éternité, je choisis liberté et danger. Donc en parcourant mes livres, vous pouvez me voir prendre différents points de vue. Je veux présenter les pièces du dossier dans un cas comme dans l'autre. C'est au lecteur de choisir. Et votre choix, vous, alors? Car les gens peuvent dire, évidemment, c'est facile de poser les problèmes, de dire, vous avez le choix. Et vous, alors, quel est votre choix? Moi, mon choix, je ne peux évidemment ne parler que pour moi. Ça n'a rien à voir avec le sort du monde, qui exige peut-être contrôle et sécurité. Mais ce que je choisis, moi, c'est la liberté et le danger. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire. Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles. Voilà, Isaac Asimov, toujours en 1974, une réaction à cet extrait. Alors, ça correspond effectivement à ce que je disais sur cette espèce de démocratie directe. Il y a le projet chez Asimov, quand même, que le citoyen qui serait bien éduqué, qui utiliserait correctement sa raison, serait capable de donner son avis sur la marche du monde et pouvoir intervenir. Moi, j'avais l'idée peut-être qu'il y ait une sorte de Diderot du XXe siècle, Asimov, quelque part. Non, mais c'est tout à fait, c'est du genre. À travers sa vulgarisation scientifique et autres, il rédige une sorte d'encyclopédie générale de toutes les sciences. Et il y a cette espèce de projet. Et au fond, c'est un matérialiste heureux aussi, Asimov. C'est pour ça que je faisais un peu ce parallèle. Anne Besson, sur cet extrait. Il anticipe dans un certain sens la révolution digitale aussi, hein, la révolution numérique, là, quand il nous parle de ce monde. Alors, sous un angle très optimiste, hein, c'est-à-dire qu'il pense que ce surplus de technologie et cette possibilité de communication instantanée va permettre une éducation beaucoup plus efficace, un vote immédiat, et dans un certain sens, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a, des expressions de l'avis des gens. Alors, voilà, maintenant, peut-être pas aussi positif que ce que Asimov pouvait envisager. On a beaucoup aussi parlé du Asimov visionnaire. Hein. Alors, c'est toujours une tentation rétrospective de dire des auteurs de science-fiction du passé qu'ils ont eu un aperçu du présent. On peut citer cet extrait, par exemple, d'Asimov en 64, à qui on demande à quoi ressemblerait le futur 50 ans plus tard, donc en 2014. Voici ce qu'il répond. Les communications se feront par visioconférence. Vous pourrez à la fois voir et entendre votre interlocuteur. L'écran, en plus de vous permettre de voir les gens que vous appelez, vous permettra également d'accéder à des documents, de voir des photographies ou de lire des passages de livres. Une constellation de satellites rendra possible des appels directs vers n'importe quel point de la Terre, y compris les stations météorologiques en Antarctique. Bon, bah, il a tout compris, quoi. Il a tout envisagé. À croire qu'il a voyagé dans le temps. Un mot tout de même sur cette liaison et ce méta-cycle monumental que Asimov va vouloir faire de son œuvre, non sans, pourrait-on dire, Anne Besson, certaine hubris de la part d'Asimov. Il a le sentiment que son œuvre est importante, qu'elle le dépasse et qu'elle doit faire postérité. Oui, il y a une volonté totalisatrice chez Asimov, une volonté monumentale, celle d'ériger un panthéon à sa propre gloire, hein, si l'on veut, une gloire qui n'avait cessé d'augmenter et de nourrir son narcissisme joyeux. voilà, c'était ça allait dans le bon sens pour lui, et donc effectivement, il décide que son œuvre va faire un ensemble qui fasse le tour de tout, hein. Et donc il reprend du début des robots pour aller jusqu'à la fin, fondation. Il rajoute des pièces là où il faut, donc au milieu, entre les robots et l'Empire, avant fondation. Oui, parce qu'il y a l'Empire, c'est vrai qu'on ne parle pas de l'Empire au milieu, mais qui enfin, y a une sorte de d'intercycle voilà, oui, entre les robots et fondation. Il y a les robots, l'Empire et fondation qui sont liés tous les trois. Avant fondation, deux préquels, qui raconte la vie d'Harry Seldon et l'invention de la psychohistoire, qui sont les derniers qu'il écrit, et puis deux romans qui viennent après Fondation et qui bouclent avec les robots, voilà, avec réapparition, Deus Ex Machina, dont nous ne dirons rien du tout. Pas davantage. Oui, parce qu'il y a tout de même un problème majeur, c'est que si Fondation se passe après les robots, comment expliquer qu'il n'y ait pas un seul robot dans Fondation? C'est quand même un problème majeur, Anthony Valla. Absolument. Il y a une explication. Il y a une explication. Elle est rationnelle. Moi, je la trouve parfaitement cohérente. Tout à fait. Du coup, un mot sur ce travail un peu titanesque et sur l'hubris asimovienne. Ah oui, alors, très clairement, Asimov n'est pas modeste. Ah non, ça. Asimov considère qu'effectivement, il a la stature et le pouvoir et la puissance pour pouvoir rédiger des œuvres qui soient fondatrices et qui puissent orienter effectivement le cours du destin, enfin, d'humanité, des choses comme ça. Donc, il n'est pas modeste. Effectivement, il a une très grande conscience de sa popularité, de son prestige et de ses capacités de travail, enfin voilà. Donc un mot peut-être, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, un mot sur l'impossible travail d'adaptation cinématographique d'Asimov. Il y en a eu quelques-unes, pas très réussies. Comment est-ce que vous expliquez? C'est inadaptable, Asimov? Alors, je pense que Fondation, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de personnage féminin, c'est des dialogues, hein. Il y a quand même beaucoup de dialogues. Il faut rappeler ça, Asimov, c'est du dialogue, voilà. C'est beaucoup de dialogues, c'est des gens qui parlent. Par lui, c'est par le langage que la raison va s'exprimer et que les personnages vont pouvoir résoudre justement pouvoir proposer. Là, quand il parle de proposer deux visions de l'humanité, contrôle et sécurité ou liberté, les personnages dialoguent entre eux pour pouvoir débattre justement des possibles futurs de l'humanité. Et c'est par le dialogue qu'il résout ça. Son détective est un détective assis. Je veux dire, c'est un détective qui est assis et qui parle avec les gens. Et c'est comme ça qu'il va résoudre les énigmes. Donc, c'est compliqué d'adapter quelque chose qui a très peu d'action, au fond. Voilà. Il y a très peu d'action et il y a très peu de visuel aussi. C'est pas du tout. On va associer Asimov à un créateur d'univers. Et alors, en un sens, c'est le cas, mais c'est pas du tout du world building à la Frank Herbert, par exemple, ou à la Tolkien à plus forte raison. C'est un univers qui est très, très, très plat, qui est très peu décrit, et donc qui ne laisse pas beaucoup de support pour être adapté en images. Et pourtant, Apple TV va lancer une adaptation en série du cycle Fondation. La bande-annonce est sortie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anthony Vallin ? Alors moi, je me réjouis de voir ce que ça va donner. On imagine que la série, c'est tout de même le meilleur support, plus que le cinéma, pour traiter ces univers au long cours. Non, là, je pense finalement que cette série pourrait très très bien marcher. Et on a vraiment le thème du pouvoir, à mon avis, de la légitimité, de qui décide du sort de l'humanité, qui manipule qui, va être un ressort. S'ils arrivent à bien jouer là-dessus, ça va être le même ressort que pour Game of Thrones, en gros. La même thématique du pouvoir et de qui commande, enfin qui peut être mise en scène. Et à mon avis, ça peut marcher. Les images sont assez belles, en tout cas. Anne Besson, vous en pensez quoi ? Je pense qu'une adaptation de Fondation était inévitable, vu la recherche globale des différentes plateformes de diffusion d'une nouvelle grande série, effectivement pour remplacer Game of Thrones et puis pour renouveler l'imaginaire à côté de Dune, etc. Donc c'était inévitable. C'est bien que ça se fasse maintenant, effectivement, où on a de belles séries et où on a un art du storytelling qui à mon avis, effectivement, pourrait rendre justice à l'œuvre d'Asimov. La question, c'est ce qu'on peut imaginer dans une série grand public de science-fiction contemporaine, rendre compte de la complexité, finalement, justement, de l'utopie asimovienne, de cette psycho-histoire ou de cette socio-psycho-histoire, comme vous l'évoquiez, qui est de la sociologie dure. Est-ce que vous pensez que c'est adaptable ou est-ce que ça va être lessivé par la machine à storytelling dont on parlait à Anne Besson? Moi, je pense que c'est adaptable. Le public est devenu intelligent. Enfin, pas devenu intelligent, mais devient expert, entre guillemets, en séries télé et a appris à lire, enfin, à regarder des séries télé avec des arcs narratifs complexes. Mm-hmm. Enfin, il savait le faire avant, hein, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça passe mieux. C'est possible. Les producteurs peuvent se lancer dans ce genre de risque. Et donc, si les scénaristes sont à la hauteur, à mon avis, on peut arriver à faire passer cette complexité dans l'exposition du thème de la légitimité, l'autorité, de tout ça. Scénarisé par David Goyer, notamment, qui est derrière la trilogie Batman de Christopher Nolan, qui n'est pas la pire des trilogies Batman. On peut peut-être avoir raisonnablement confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Besson, justement, sur la capacité, justement, à traiter du matériau sociologique qu'il y a dans Fondation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anthony, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais c'est bien que ça vienne maintenant, puisque précisément il y a eu cette montée en expertise du public, donc qui a toujours eu ses capacités, mais auquel on fait de plus en plus confiance et qui est de plus en plus éduqué justement par des récits complexes, des récits médiatiques complexes, qui est donc aujourd'hui tout à fait apte à recevoir ce type de réflexion, et même sans doute qu'il attend. Un mot pour conclure, Asimov, on l'a dit, c'est vaste. Si vous deviez conseiller un endroit par où commencer à nos auditrices et nos auditeurs, si on veut se familiariser avec Asimov sans se noyer, sans se perdre, Anthony Vallin, on commencerait par quoi ? Moi, j'ai commencé par Fondation. C'est-à-dire que je me destine à faire ingénieur en physique. Quand j'avais 18 ans, vers la fin de mon bac, j'ai lu Fondation et je suis parti en sociologie. Donc ça, personnellement, ça a changé ma vie. ça peut avoir... Faites attention, vous voyez. Asimov peut avoir des conséquences lourdes sur votre existence, Anne Besson. Vous conseilleriez quoi ? Eh bien, l'autre début, mais Fondation marche très bien, mais l'autre début, c'est Les Robots. Pareil, un recueil qui se veut une introduction à une des séries d'Asimov. Et puis ensuite, normalement, on a envie de lire la suite. Eh bien, pour ma part, c'est vrai que j'ai relu Fondation cet été et je ne pensais pas que je reprendrais une claque de cette ampleur. C'est vraiment, ça mérite son statut de meilleure série de tous les temps, même si j'aime beaucoup Frank Herbert. Je dois dire que Fondation, quand même, ça trouve sa place, c'est une place de choix dans ma bibliothèque idéale. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Anne Besson, on peut vous lire d'Asimov à Tolkien, c'est au CNRS édition. Merci Anthony Vallin, Utopie et raison dans le cycle de Fondation d'Isaac Asimov, c'est aux éditions Actu SF. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Étienne, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation. et Eric Villenfin à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, lundi, nous ferons notre point mensuel sur la recherche autour de l'épidémie de Covid-19. Mardi, nous parlerons de positronium, soit le système électron-positron. Mercredi, il sera question presque un peu de science-fiction, mais pas tant que ça, puisqu'on parlera des voitures volantes qui sont bientôt et qui devraient être accessibles dans quelques années au grand public. Jeudi, nous parlerons de la population de l'Amérique par les premiers êtres humains. Et vendredi, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.